Ambiguïté de ceux qui autorisent la demande de justice au tarot. Première ambiguïté. Elle fait partie des ambiguïtés les plus hideuses. C'est leur parole. Cet acte n'est pas une demande de justice, mais plutôt une demande d'un bien qui va être perdu. Réponse. Nous disons, sache que l'homme peut dire une parole sans lui prêter attention, alors que si l'on mélangeait cette parole avec l'eau de la mer, elle l'altérerait entièrement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole semblable à Aïcha radiyallahu anha, comme cela est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi et Abu Dawud. Le fait de dire ce genre de parole fait partie de la ruse vis-à-vis de la religion d'Allah et de ses interdits, à tel point que ce qui est connu chez tous les êtres responsables, c'est que la réalité des choses ne change pas en modifiant leurs appellations. Le savant Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batan, rahmahullah, dit: celui qui attribue à autre qu'Allah une de ses différentes adorations aura adoré cet autre, l'aura pris pour divinité et l'aura associé à Allah dans son droit exclusif. Même s'il s'esquive d'appeler son acte, le fait de prendre pour divinité l'adoration et l'association. Il va de soi, chez toute personne sensée, que la réalité des choses ne change pas en modifiant leurs appellations. Majmou' al-Tawhid, 7e Risale. Il n'y a aucun doute chez le musulman que la demande de justice, c'est trancher une dispute entre deux parties. Et c'est un acte des membres et non un acte du cœur. Celui qui dit que le fait de demander justice n'est pas une demande de justice que si elle est accompagnée de l'intention qu'il va demander justice au tarot, parce qu'il est convaincu que son jugement est meilleur que celui d'Allah, et comme celui qui dit que faire une prosternation n'est une prosternation seulement s'il est convaincu dans son cœur que celui devant qui il se prosterne mérite qu'on se prosterne devant lui. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a répondu à ce genre de paroles sur celui qui prétend que l'adoration est une adoration uniquement si celui qui l'a fait est convaincu que c'en est une. Parmi les formes de shirk, la prosternation du disciple au shirk, cela est du shirk de la part de celui qui se prosterne et de celui devant qui il se prosterne. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ils disent « ceci n'est pas une prosternation, mais il s'agit de baisser la tête devant le shirk par respect et humilité ». Il faut dire à ces gens-là, quoi que vous l'appeliez, la réalité de la prosternation, c'est de baisser la tête devant une personne. Madarij al-Salikin, volume 1, page 374. Puis nous disons, il se peut qu'il y ait ici une complication pour certaines personnes au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est entré sous la protection de Mut'am ibn Hadi. Nous répondons à cette objection. Si la personne comprenait le sens de la demande de justice, ce genre de complication n'aurait pas lieu d'être. La demande de justice, comme il a été expliqué auparavant, c'est de se référer à celui qui peut donner un jugement vis-à-vis d'un litige. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Sourate 4, verset 59. Voici l'image de la demande de justice qui consiste en un litige entre deux individus qui sera tranché chez un tiers. Voici l'image de la demande de justice qui consiste en un litige entre deux individus qui sera tranché chez un tiers. Nul doute que ceci fait partie du grand shirk, grand polythéisme, dans le cas où cette demande de justice se fait auprès de At-Tarut. Alors que concernant la demande de protection auprès d'un mécréant, il n'existe aucun texte qui l'interdit. En effet, Abu Bakr a demandé protection à Ibn Durana, et il en est de même lorsque les compagnons ont cherché protection auprès du Négus.